je suis sans père et mère, sans secours sur la terre. Je suis l'abandonné, sans espoir d'être aimé. Dans ma tristesse amère, je ne pense qu'à ma mère, qui sécherait mes pleurs aux heures de douleur. Je n'ai qu'un petit frère pour subir ma misère. Mes jours passent sans bruit, je pleure jour et nuit. Dans ma tristesse amère, je ne pense qu'à ma mère, qui sécherait mes pleurs. Je m'en vais sans envie sur la route de la vie, m'abreuvant de chagrin, mortel comme un vénère. Dans ma tristesse amère, je ne pense qu'à ma mère, sécherai mes pleurs aux heures de douleur. Ma pauvre grand-mère, témoin de ma misère, à ce monde odieux, va bientôt dire adieu. Dans ma tristesse amère, je ne pense qu'à ma mère, qui sécherait mes pleurs aux heures de douleur. Je m'en vais sans envie sur la route de la vie, m'abreuvant de chagrin, mortel comme un vénère. Dans ma tristesse amère, je ne pense qu'à ma mère, sécherai mes pleurs aux heures de douleur. Je n'ai qu'un petit frère pour subir ma misère. Mes jours passent sans bruit, je pleure jour et nuit. Dans ma tristesse amère, je pense qu'à ma mère, qui sécherait mes pleurs aux heures de douleur. Ma pauvre grand-mère, témoin de ma misère, à ce monde odieux, va bientôt dire adieu. Dans ma tristesse amère, je ne pense qu'à ma mère, qui sécherait mes